Ce sont les meilleures équipes. D'ici, via leur reste Mannschaften. The main event. Die Meister, die Besten, les meilleures équipes, the champions. Die Meister, die Besten, les meilleures équipes, the champions. Monsieur Frank Marcoux est un homme d'affaires. C'est pas un homme de fonds divers et variés. En fait, c'est une nouvelle famille qui va succéder à la famille de Robert Louis Dreyfus et de Margarita. Ses affaires, il est président de McCourt, c'est un groupe dont il est propriétaire à Los Angeles. Il était propriétaire des Dodgers. J'imagine que tout le monde aujourd'hui est satisfait. En tout cas, le maire, lui, il est satisfait que vous ayez pris une décision, satisfait que vous ayez confié la présidence du club à une personnalité qui est très appréciée aussi. Et dès lors, nous nous tournons vers vous. Il va falloir gagner. Il va falloir mettre des sous. Alors, puisque vous en avez, c'est ce que vous ferez. Voilà, en tout cas, c'est ce que nous vous demandons. Merci, Mr. Mayor. Et good evening, Marseille. Bienvenue, bonjour, chers auditrices, chers auditeurs, pour ce nouveau radio show DBDJR sur Radio Grenouille 888. Droit Opus et la grande braderie à l'OM aujourd'hui, tout est vendu. Magic, on va le retrouver au marché Opus tout à l'heure sur le stand DBDJ Hair, et le dispositif se met aujourd'hui à l'heure américaine, mon cher Dondé. Hello Dondé. Hello everybody, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Je voudrais préciser pour monsieur le maire que Los Angeles est une ville située en Californie aux États-Unis. J'ai l'impression qu'il ne c'est pas vraiment où c'est. Los Angeles, c'est la ville de Frank Marcoux, le nouveau propriétaire de l'Olympique de Marseille. Beaucoup de choses, je crois, à raconter aujourd'hui, avec d'abord un invité prestigieux, prestigious invité, Vincent Deluc. Vincent Deluc, vous le connaissez, Dondé? Ah, bien sûr, un famous journaliste d'un journal bien connu de la sphère sportive. Nous avons eu The Team. De Mannschaft, nous avons eu le grand honneur de l'interviewer. Nous aurons aussi plus tard, bien sûr, dans l'émission, le méga coup de gueule de Dr. Lehmann, qui va un peu régler tout son compte au football français, et surtout à l'ancien président du club de Marseille, Robert Louis Dreyfus. C'est un peu la nouvelle affaire Dreyfus à Marseille, Dondé. Tout à fait. Alors, évidemment, la personnalité très contestée et contestable de Robert Louis Dreyfus a divisé la ville en deux camps, les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards. Vous serez peut-être anti-Dreyfusard ou Dreyfusard, on verra tout à l'heure, Dondé, puisque vous ferez vous-même une petite chronique, un poème, je crois. Un poème chronophonique, yes. Et enfin, un coucou aux auditeurs de Dijon. Dijon, c'est la ville de la Bourgogne qui nous écoute aussi un peu plus tard, je crois ce sera lundi. Et c'est le coach Luc qui fera à l'instant Mustard Instant, nouvelle croquine, la croquine qui pique du coach Luc. Et enfin Magic, vous êtes en direct du marché Opus, vous êtes au Croat, je crois, le quartier des Croats à Marseille. Oui, j'ai pas très bien compris, c'est pas grave. Approchez-vous madame. Oui, n'ayez pas peur, je suis marié, vous savez, vous ne risquez rien madame. Mesdames et messieurs, Vous allez croire que je vais vous faire un show, mais moi, mesdames, le show, je le fais moi-même avec ma femme le week-end. Non, il n'y a pas de show. Ce que je vais vous montrer est absolument vrai. Il n'y a, mesdames et messieurs, il n'y a, regardez bien, il n'y a aucun stylo qui, à ma connaissance, n'écrit aussi bien que celui-là. Regardez bien, mesdames et messieurs, vous voyez cette pointe? Eh bien, c'est du graphite d'Indonésie. Et c'est avec ce graphite que l'on fait les meilleures mines du monde, mesdames et messieurs. Une mine qui trace bien des traits bien droits, et ce dès les premières heures du travail. Parfois, vous arrivez au travail, madame, au bureau, et vous devez tout de suite écrire, mais vous n'avez pas assez dormi et votre main tremble encore un peu. Eh bien, avec ce stylo, mesdames et messieurs, votre écriture sera bien droite, comme Sarkozy dans ses bottes. Bien droite, je vous le garantis. Une mine qui trace d'une couleur bien noire aussi. Regardez bien, je vais vous en faire la démonstration sous mes yeux, mesdames et messieurs. Il n'y a aucun trucage. Voilà, regardez sur le papier, regardez-moi ce trait bien noir. On dirait absolument de l'ébène de Côte d'Ivoire. Eh bien, mesdames et messieurs, ce noir-là, ce n'est pas le noir qu'on voudrait qu'il reste en Côte d'Ivoire, c'est le noir qu'on aime voir sur nos papiers, les papiers que l'on a, nous-mêmes, bien sûr, et qui n'ont pas, eux, certains. Regardez bien, mesdames et messieurs, ce petit loquet-là, ce petit loquet qui a été spécialement conçu pour tenir sous le doigt, et n'importe quel doigt, eh bien, ce loquet, si j'appuie dessus, eh bien, ça fait rentrer la mine. Regardez bien cette rentrée de la mine, ce retour au bercail, comme on pourrait dire, dont certains feraient bien de s'en inspirer, n'est-ce pas? Comme elle est douce, cette rentrée, et la mine devient absolument protégée de toutes les menaces. Et Dieu sait que les menaces sont nombreuses aujourd'hui. Eh bien, avec ce stylo, mesdames et messieurs, et ce système de rentrée et de sortie de la mine, qui est d'une fabrication entièrement française, hein, eh bien, ce stylo de fabrication 100% gauloise, si je vous disais le prix dans le commerce, en sachant la qualité de sa mine de graphite indonésien, vous seriez déjà prêt à l'acheter. Mais moi, mesdames et messieurs, je ne vous présente pas n'importe quel stylo, ce n'est pas un stylo de grande surface. Je n'en ai qu'un seul exemplaire à vous proposer, et c'est déjà comme une relique, ou plutôt comme un masque africain, un objet d'antiquité, un objet d'art premier. Absolument, ce stylo est celui qui a appartenu à un noir célèbre du côté de chez nous à Marseille. C'est un stylo qui a servi à faire signer des contrats avec des joueurs de l'OM, parce que ce stylo n'est autre que celui de Pape Diouf, mesdames et messieurs, et qui a été retrouvé dans le plus grand des hasards, dans le bureau de Vincent Labrune tout récemment, juste derrière le bureau en formica, coincé entre le pied du bureau en formica, le stylo tout en verve de notre noir préféré ici à Marseille, Pape Diouf, écrivait avec ce stylo. Eh oui, mesdames et messieurs, il coûte à Carrefour ou à Auchan la modique somme de 30 euros. Eh bien, pour celui ou celle qui se manifestera la première ou le premier, je vous le propose à un tarif d'œuvre d'art. Alors, je vous le propose, soyez prompt, hein, soyez résolu. Une œuvre d'art bien de chez nous, comme je vous le disais, je vous demande la somme de 3000 euros. Eh oui, et si ce n'est pas assez cher, oui, il suffit de vous manifester pour, pour faire monter le prix de ce stylo unique en son genre. Oui, madame, 4000. Oui. 3000 euros ici, oui. 4000. Ah, oui, 4000 ici, 4002. Oui. 4002. Oui, ah ben, une fois, 4002, deux fois... Trois fois, adjugé vendu pour vous, monsieur. Voilà, le stylo vient de partir pour... Oui, alors venez, on va faire les papiers. Oui, merci Magic. Magic, c'est la Grand Brotherie de l'Olympique de Marseille. Le dispositif DBDJR pour vous, chères auditrices, chers auditeurs, vend tout ce qui reste à vendre de l'Olympique de Marseille au marché. Vous croyez, mon cher Dondé, que nous allons réussir à faire des belles affaires aujourd'hui? Des bénéfices pour combler le déficit abyssal du club? Ben, écoutez, certainement, en tous les cas, on s'aperçoit que le marché aux puces a bien changé, qu'aujourd'hui, les tarifs s'envolent et un stylo s'échange à plus de 4000 euros. C'est tout juste stupéfiant. C'est incroyable. Quand il est arrivé à la Belle de Mai, il connaissait des gains. Le Parisien, que Zaccosso Fadoli, avec ses yeux de gobi, a dit tout le quartier qu'il est penché, il fait le fier, ce pébrunas, au bonne mère, qu'est cunasse. Les pas de la martiale, c'est un con à la voile, on va lui esquicher le bout du nez. premier jour au bistrot, l'a payé l'apéro à tous ses amphévés. Par rancunier, ils se sont pégés jusqu'à la nuit tombée, à la santé peu chère de l'étranger. Il fait le fier parce qu'il est riche. Oh bonne mère, qu'est-ce que fiche? C'est un vrai rompe-figue. Dit, il est de Martigues, qu'est-ce qu'on peut s'en séguer de s'élever? Le lendemain, le cacou se promenait partout avec sa fiancée. Comme un trophée, c'était une belle nine au long cou de galine. Elle avait dû la furer au poulailler. Il fait le fier, le parigot. Oh bonne mère, qu'est cafalot. Elle a le cul presque comme la porte d'Aix, va caguer à Andoum, au Fangoul. Un jour, à Deniston, qui jouait au ballon, il dit, oh les minots, il y a du boulot pour remporter le match, pour se lever le mafre. Et allez, vous les gays, les bras cassés, il fait le fier, facho de con. Mais il peut cher un pastisson, et qu'il aille au vieux port faire ses estrambores, peut même s'y néguer l'étranger. Hey, c'était Renault sur des bâtons d'Anguirou, Radio Grenouille. Droite au puce, aujourd'hui, c'est la Grand Brotherie à l'OM. C'est l'heure américaine, puisque le nouveau propriétaire de l'OM n'est autre que Frank McCourt, mon cher Donné. Frank McCourt, l'ami américain, le dernier né des présidents de l'OM, je ne sais plus. Sous l'ère Dreyfus, on a eu quelque chose comme une quinzaine de présidents, me semble-t-il. Et lui s'associe. Nous avons un nouveau président qui s'appelle Jacques Henry. Jacques Henry. Ça fait rêver, Jacques Henry. Jacques Henry, héros. Héros. Tout de suite, on va écouter, bien sûr, la chronique, la new chronique du Dr. Lehmann. Le Dr. Lehmann n'est pas présent dans le studio de Radio Grenouille aujourd'hui. Il est en villégiature, comme on dit en France, à l'île Oléron, l'île de Oléron Island, on the west coast of France. Il va régler son compte au football français, à la France entière. On écoute tout de suite le Dr. Lehmann. J'accuse ma terre de cracher dans la soupe, et Platini sur qui plane le doute. J'accuse Aulas d'être un gros dégueulasse, mais vaut-elle mieux l'autre blondasse? J'accuse la brune de ne pas avoir de burne, tapis dans l'ombre sans braver les urnes. J'accuse Bielsa de quitter le navire, c'est les rats qui dévorent le cuir. J'accuse l'OM de tromper Mandanda sur la décennie que dure son mandat. J'accuse Bernès de trafiquer sans cesse et Anigo qui mime l'agneau. J'accuse les joueurs qui, s'ils disent avoir peur, jouent à Alep ou Damas juste une heure. Qu'ils abandonnent ces coupes de SS, ce ketchup sur nos maillots. donne et même je le danse. Pour son futsal à Aix-en-Provence, Jacques Canto couvert de pellicule, de nous tromper, nous rendre ridicules. J'accuse la mer qu'elle soit bonne ou bleue, de délaisser ses minots nécessiteux. J'accuse le ciel, ses couleurs bleues et blancs, de chasser nos rages par le vent. J'accuse Gaudin, je souhaite qu'on le dame, faute de terrain pour aiguiser nos armes. J'accuse Mémé, Guérini, Mélucci de trafiquer, miser sur Paris. Oui, je m'accuse, je suis le premier homme à ne pas voir bien plus loin que la pomme. D'allons sécheux sans vie ni même celle, celle de l'espoir et du rêve. J'accuse, c'est la chronique du docteur Lehmann, il envoie du gros docteur Lehmann aujourd'hui, mon cher Dundee. Et oui, c'est bien la raison pour laquelle il s'est fait exiler du côté de l'île d'Oléron, mais concernant le docteur, l'exil a vraiment du bon. J'ai l'impression qu'il s'est monté un studio d'enregistrement magnifique. Dans son garage de l'île d'Oléron, on salue le docteur Lehmann, on lui dit bonjour, bonjour docteur. Hi doc. Mon cher Dundee, on continue cette émission avec un invité vraiment, vraiment prestigieux. Il s'agit de Vincent Duluc, on l'a présenté brièvement pendant la... Ah, on me dit beaucoup d'appels au studio pour nous dire notre accent américain est vraiment pourri, mais on va quand même continuer toute cette émission comme ça, puisque c'est l'heure américaine. Frank McCourt est devenu président et propriétaire de l'OM, donc on va continuer. Mais parlons maintenant de Vincent Duluc, si vous voulez bien, mon cher Dundee. Il est le responsable du football, de tout le football, au journal L'Équipe. Oui, c'est lui qui tient les ficelles, en fait, qui est responsable de sa petite équipe composée d'un gros crew de journalistes. Et Vincent Duluc est un historique de l'équipe. Il intervient un peu partout. Il écrit aussi des livres. Alors, il écrit des livres, et notamment deux. Et puis, on a rencontré... Oui, notamment deux, mais je vais vous dire lesquels. Et tout de suite, on l'a rencontré, Vincent Duluc, cette semaine à Antibes. Je ne sais pas comment on dit ici en France, Antibes, une petite ville du sud de la France. C'était lors du festival Autumn and Library, je crois, organisé ici dans toute la région PACA, P-A-C-A, comme on dit. Il a écrit deux livres, donc il s'agit d'un printemps 76, 76 Spring, I think, and un autre qui livre. Qui retrace l'épopée des Verts, si je m'abuse. L'épopée des Verts de Saint-Étienne, qui sont allés jusqu'en finale de la Coupe d'Europe à Glasgow contre le Bayern Munich. Et un autre livre qui parle de George Best, fameux joueur de foot irlandais de Manchester United, qui était surnommé, je crois, le cinquième Beatles. Et c'est un peu le moment sérieux, the serious moment of this show. Vincent Duluc va nous parler de Frank McCourt, va nous parler de ce qui se passe en ce moment à l'Olympique de Marseille, et après on retrouvera bien sûr Magic en direct des puces, qui va tenter de vendre encore beaucoup de choses pour des bâtons d'Anguille aujourd'hui. On écoute Vincent Duluc. Bonjour Vincent Duluc, merci d'avoir répondu à notre invitation pour cette nouvelle émission des BDGR. La première question qu'on souhaitait vous poser, qui est une question vraiment de novice de football. Qu'est-ce qu'on achète quand on rachète un club de foot? C'est pas comme un kilo de pommes de terre, j'imagine. On devient propriétaire de quoi? Ah ben ça, c'est sûr qu'on devient propriétaire d'un actif qui est pas très facile à concrétiser, parce que l'essentiel de l'actif, c'est l'actif des joueurs, puisque le stade appartient à la ville, puisque en France, en Ligue 1, le seul club qui est propriétaire de son stade, c'est Lyon. Tous les autres clubs sont tous les autres stades, pardon, sont soit municipaux, soit semi-municipaux, puisqu'ils ont été construits en PPP, en partenariat public-privé, comme à Bordeaux, les nouveaux stades, à Nice, à Lille. Donc, quand on achète un club, on est propriétaire des dettes et de l'actif joueur, mais alors éventuellement de quelques infrastructures comme un centre d'entraînement, mais c'est pas systématiquement le cas. Alors, et en dehors des clichés souvent véhiculés par le club de l'OM et surtout la passion qu'il génère, qu'est-ce qui rend si particulier le rachat de l'OM par rapport à celui d'un autre club ? Mais déjà, il y a plusieurs choses qui le rendent particulier. Ce qui rend particulier, c'est l'histoire du club. C'est la place du club dans l'histoire du foot français. C'est le fait que c'est un des clubs les plus anciens, c'est un des clubs les plus prestigieux, c'est le seul club qui a gagné la Ligue des Champions. Et c'est un club qui suscite une fièvre un peu particulière et une attention médiatique constante. Donc voilà, tout ce qui se passe à l'OM intéresse tout le monde. Et là, en l'occurrence, le fait d'être le rachat de l'OM est un élément d'autant plus important que ça faisait 20 ans que Robert Louis Dreyfus puis sa famille en étaient propriétaires. Donc en dehors de l'attraction qui est propre à l'OM, il y a aussi le côté la fin d'une ère qui rend cette transition et ce rachat un peu plus attendu encore. Et pour continuer, qu'est-ce qu'on sait réellement de Frank McCourt ? Est-ce que dans le cadre de cet achat, on peut parler d'un investissement lambda d'un homme d'affaires américain ? Ou est-ce que McCourt est un choix stratégique ? Il arrive quand même avec beaucoup de casseroles derrière lui, notamment les suspicions avérées d'avoir pioché dans la caisse des Dodgers à des fins personnelles. Est-ce que pour recréer un climat de confiance avec les supporters et tous les fans du club, est-ce que c'est vraiment un bon choix ? Non, je n'en sais rien. De toute façon, le choix, ça reste un choix de propriétaire à vendeur. Il n'y a pas de référendum. Il faut le prendre comme ça. Sur McCourt, effectivement, on a des doutes parce qu'on a bien vu que dans le cadre de la franchise des Dodgers à Los Angeles, il s'était enrichi et après avoir quasiment siphonné toutes les ressources du club. Alors, il a pas détourné d'argent, c'est pas tout à fait ça. Simplement, il l'a acheté peu cher. Il a effectivement fait payer beaucoup de choses par le club et il l'a revendu très cher. Mais tout ce qu'il a fait était légal. C'est-à-dire que effectivement, il a pas investi. Il a juste fait une opération financière énorme au détriment du club, parce que de la franchise qu'il a laissé absolument exsangue. À son départ, alors que lui, c'est vraiment enrichi. C'est quelque chose de complètement légal aux États-Unis. À l'OM, je doute qu'il pourra faire la même bascule parce que personne ne gagne d'argent dans le foot. Parce que c'est un investissement il doit forcément chercher autre chose. Quand on voit l'argent que la famille Louis Dreyfus a mis et perdu dans l'OM, on peut que souhaiter bonne chance à McCourt qui pense gagner autant d'argent qu'à Los Angeles. Alors, le rachat par Frank McCourt, c'était aussi dans le cadre presse, enfin, c'est pas un concours, mais en tout cas, son dossier, il a été préféré à d'autres. Est-ce que ça s'est simplement, selon vous, décidé sur des critères financiers ? Ou est-ce qu'on sait, à partir de ce dossier de rachat, déjà des choses de son programme pour le club et sa structure ? Non, je pense pas que ça soit une question de programme. Je pense que ça soit une question de surface financière. Et c'est vrai que les autres candidats dont on avait parlé, Gérard Lopez, qui est actuellement en lice pour reprendre le club de Lille, avait pas du tout la même surface financière que McCourt. McCourt avait vraiment beaucoup d'argent. Et c'est vrai que le programme, le problème, c'est qu'on peut jamais croire les gens qui présentent un programme, ni avant une élection, ni avant un choix de succession, puisque c'est toujours on promet toujours qu'on rase gratis et puis à la sortie ça coûte toujours très cher, donc voilà, c'est de toute façon le football français est un championnat où les investisseurs étrangers peuvent rentrer dans le foot à faible coût. McCourt va acter le rachat de l'OM à environ 45 millions d'euros. Alors que le Milan AC, cet été, la vente s'est négociée à 700 millions d'euros, et alors qu'il y a une offre pour Liverpool à 900 millions d'euros. Donc en fait, je pense que le football français va séduire de plus en plus d'investisseurs étrangers, malgré les faibles recettes et malgré les lourdes charges, parce que justement, parce qu'il n'est pas très cher, et parce qu'il y a quand même des perspectives qui sont peut-être intéressantes liées au nouveau stade, et lié éventuellement, si d'autres investisseurs arrivent, au développement encore des droits télé qui sont très inférieurs à ceux qui sont à l'étranger. Donc voilà, je pense que C'est un petit peu tout ça qui a dû pousser McCourt à rentrer dans la danse. Alors, d'après vous, les premières missions de McCourt et son équipe sont lesquelles pour redresser sportivement l'Olympique de Marseille? Mais j'espère qu'il aura à la fois des ambitions à long terme et à court terme, parce qu'il y a des choses à long terme qu'il faut quand même améliorer à l'OM. C'est-à-dire qu'il y a des choses à long terme que le club et ses précédents dirigeants ont été dans l'incapacité totale et assez scandaleuse de faire. Quand on voit l'état du centre de formation de l'OM et le niveau de l'équipe réserve, c'est quelque chose qui a été complètement laissé en jachère et qui est invraisemblable pour un club de cette envergure. Et malheureusement, il n'y a pas que le centre de formation. Ce qui est vrai, c'est que je parlais de l'actif joueur au tout début de l'émission, mais l'actif joueur ne représente pas grand-chose. Il y a peu de joueurs qui soient vraiment vendables, très très très chers. Et on ne voit pas beaucoup pour l'instant d'identité. On ne sait pas qui représente Marseille aujourd'hui. Quel est le personnage fort de l'OM actuellement? Là, c'est impossible à savoir. Donc, il va falloir effectivement qu'une nouvelle direction soit identifiable et quand je parle de nouvelle direction, c'est à double sens. C'est à la fois ceux qui vont diriger et dans quel sens le club doit aller. Donc, je pense que ce qui va être intéressant, c'est la base, ça va être choisir un bon directeur sportif. Alors, on parle effectivement de Luis Campos, qui était avant à Monaco. Mmh. Ça peut être intéressant. Et ça peut donner justement une nouvelle direction intéressante. C'est ça la base. On sait très bien que le contexte marseillais est un peu particulier, qu'une partie de l'argent investi est souvent détournée par les agents, entre autres. Mais là, il faut vraiment que l'OM arrive à trouver une nouvelle vertu et des nouveaux principes. Alors, une question un petit peu longue pour continuer. Le rachat de l'OM par Franck McCourt symbolise encore plus, si c'était besoin, la mondialisation du football et son entrée définitive, on va dire, dans un système économique très globalisé. Et moi, j'avais envie de vous interroger aussi un petit peu sur la littérature que vous produisez, Vincent Duluc, avec notamment cet ouvrage Un printemps 76. Vous racontez, certes dans un premier plan, votre adolescence dans le football, votre passion pour les Verts au moment de leur épopée en Coupe d'Europe. Et en second plan, vous racontez parfaitement aussi la ville de Saint-Étienne à l'époque, une ville de football populaire, ouvrière et minière. Et dans ce contexte, vous décrivez la construction du club de la SSE et un modèle de club économiquement et structurellement appuyé sur une grande entreprise locale avec un fonctionnement assez patriarcal, on va dire. C'est un modèle qui est mis à l'écran également pour nos auditeurs qui ont vu ce film dans le film Coup de tête, je crois. Et est-ce que c'est selon vous un modèle qui, à l'époque, permettait une identification plus forte d'une ville et d'une région à son club? Est-ce que c'est complètement révolu aujourd'hui? Dans l'histoire du foot, c'est comme ça que les clubs de foot sont nés. C'était pour occuper le dimanche des travailleurs. Le clergé et les grands patrons s'étaient mis d'accord. La messe le matin, le match l'après-midi, ça leur éviterait d'aller au bar. C'est pas une plaisanterie, c'est vraiment la raison pour laquelle le foot un peu a été créé, enfin les clubs de foot ont été créés au début du siècle par les grandes entreprises, et à Saint-Etienne c'était par casino. Donc la gestion de Roger Rocher dans les années 60-70, effectivement c'était une gestion paternaliste, mais c'était une époque effectivement où l'essentiel de l'argent du foot venait un de la subvention municipale, des recettes au guichet. Aujourd'hui, il n'y a plus de subventions municipales, elles sont interdites depuis la loi Pasqua à la fin des années 80, début des années 90. Elles sont seulement permises pour les centres de formation, mais pas pour les équipes professionnelles. Et au niveau des billets, ça représente plus que 10 à 15% des budgets. Aujourd'hui, ce qui est l'essentiel du budget des clubs de foot, c'est évidemment les droits télé, surtout en Ligue 1, parce qu'il y a les clubs de Ligue 1 sont tellement incapables de susciter leurs propres recettes qu'ils ont absolument besoin des droits télé. Et l'autre chose, c'est le merchandising. Alors, Saint-Etienne avait été novateur à la fin des années 70, en étant le premier club français à avoir son magasin, en étant le premier club français à toucher un peu des royalties sur diverses autres aides de merchandising. Mais malgré tout, effectivement, le modèle des années 70-80 est complètement dépassé et il faut complètement autre chose. Alors, on peut en avoir la nostalgie. Mais de toute façon, ça serait avoir la nostalgie d'une domination par rapport à une autre domination. Dans tous les cas, c'est une autre forme de capitalisme et ça ne change pas grand-chose sur le fond. Alors, il y a un autre modèle qui est aussi en discussion à Marseille et qui existe ailleurs, c'est celui de l'actionnariat populaire. On sait que des clubs espagnols fonctionnent ainsi. Il y a eu plusieurs tentatives qui ont modestement été révélées en France et à Marseille. Il y a un mouvement, le Massalia Socio Club, qui s'est constitué depuis quelques temps et qui a bien l'intention de grandir et de devenir au moins dans un premier temps une force de proposition pour la nouvelle direction de l'OM. Est-ce que vous pensez que c'est un modèle viable à la France, à Marseille? Et qu'est-ce qu'il impliquerait? Pour l'instant, ça peut tout au plus être un petit lobby à la hauteur de la surface financière ou à la hauteur du poids populaire. Très franchement, il vaudrait mieux que cette entité ait 50 000 membres plutôt que 5%. Je pense que voilà, la force, c'est toujours la voix qu'on fait entendre. C'est pas forcément, parce que pour avoir un pouvoir économique, il va falloir autre chose que la prise de, que de représenter un petit peu d'actionnariat ou un actionnariat complètement marginal. Donc, ce qui peut peser sur la direction d'un club, c'est avoir des supporters qui parlent d'une seule voix, mais qu'une seule voix se lève de manière isolée pour 0,5% des actions, j'en sais rien, ou 1%, ça me paraît pas décisif. Mais j'aime l'idée de ce modèle-là. Mais effectivement, c'est complètement autre chose et ça part que des bons côtés. Quand on voit le système des socios au Real ou au Barça, ça passe des bons côtés. Au Real, ça provoque une instabilité absolument invraisemblable. Alors évidemment, les ressources financières sont telles que le club peut faire n'importe quoi, mais justement, le système des socios pousse parfois le président à faire n'importe quoi pour être élu. Et quand on a moqué au début des années 2000, la politique des Galactiques qui présentait une équipe complètement déséquilibrée et qui n'a rien gagné pendant 10 ans, c'est parce que justement les socios poussaient le président à prendre des grands noms plutôt qu'à lui laisser le temps de faire une équipe. Il y avait une espèce de pression qui se retournait contre la construction d'une équipe. Bon, en tout cas, merci vraiment beaucoup et bonne suite à vous. Merci. C'était un plaisir. Au revoir. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Hey Vincent Duluc, notre invité prestigieux de ce DBDJR spécial rachat de l'OM, droite au puce. Grand Broadway, on vend tout. On va retrouver Magic bientôt sur le stand de DBDJR au Crotte, au marché opus de Marseille. Dondé, qu'est-ce que vous avez pensé de Vincent Duluc? Il était impressionnant, non? Impressionnant, c'est tout à fait vrai. Un vrai interview fleuve, river interview, comme on dit dans le milieu. Moi, je trouve que, on a balayé un peu l'ensemble des sujets, et c'est vrai que on sent bien qu'il y a de la retenue aussi de la part de Vincent Duluc sur l'arrivée de Marc Court. C'est pas un miracle qui se passe, c'est juste une reprise en main. Il a raison de dire que il faudra trouver une nouvelle direction pour ce club, mais son avenir est malgré tout compromis par le fait que certain nombre de clubs ont des puissances financières beaucoup plus importantes, et ça c'est la réalité aujourd'hui. C'était une interview rondement menée par l'ami Brett Sinclair, que l'on salue, et on lui dit aussi Happy Birthday Brett, c'est sa semaine d'anniversaire en ce moment. Brett Sinclair, Seducing Brett. Un petit pause musicale. Ma tutta qua alla ruzzolo, ma che cazzo è quando mi parlo? Dite con questo microfono, ti parlo, mi sta via a ballare, ma che può fare? Vuoi arrivare? Ma che cazzo, affatica, ma ti incide, affatica, mannaggia, capatone, mannaggia. Le baby napolitain fana, oui j'ai bouffé du pulpe pendant 20 ans comme Antonio Montana. Pour moi tous les Français étaient de la sorte, mais que savais-je de la vie enfermée derrière une porte? Quelque chose dans le sang parle tout bas. À Paris je suis perdu, en Sicile je suis chez moi. La Méditerranée chante dans mes paroles qui s'envolent. Je me rappelle à l'école, je voulais être différent, original dans le vent. Ça criait l'Amérique dans tous mes vêtements, interloquer les ignorants, glousser comme des idiots. Maniego esto non lourd. ok, j'ai laissé passer les rires. J'ai flippé, puis pardonné car j'aime mon peuple en mourir. Je fais l'américain, c'est un fait, mais qui se la joue français et pèse les pieds du petit maigret. Je hais ces types aux origines truquées. Que Dieu fasse miséricorde à la mémoire étriquée. Si tu n'es pas de ma famille et que ton crâne sonne creux, chante-moi tant que tu veux. Tu veux voir l'américain, américano, américano. Tu veux faire l'américain. Tu veux voir l'américain, américano, américano. Tu veux voir l'américain, américano, américano. Tu veux faire l'américain. Tu veux voir l'américain, américano, américano. Bye bye bye bye. Tout gosse déjà, j'étais fasciné par le pays des buildings, des taxis jaunes et sing sing, des filles à maillot bronzé sur la plage, des limousines, des méchants indiens, des policiers qui gagnent toujours à la fin. Moi qui voulais devenir flic à New York, paye désormais les affres d'être une crapule à Marseille. La télé faisait tout pour que mon songe vive. Je me nommais Philippe et rêvais de ma peau d'esquive, jusqu'au jour où j'ai pris l'avion en 84. Et tout a changé dans ma tête, ce fut une belle claque. En fait très vite j'ai eu une honte terrible pour des 4 millions d'indiens d'Amérique. J'étais mon casque de baseball qui faisait rigoler mes amis à l'école. Et pourtant ils étaient aussi tous des petits ritals. Pourquoi ils voulaient danser le disco comme John Travolta? Le rêve américain ruine. J'irai poser des fleurs sur la tombe de Pépé Joseph à Brooklyn. S'il m'avait vu à 15 ans, il aurait sûrement dit avec son accent: tu veux voir l'américain, américano, américano. Bye bye bye. Hey, c'est DBDGR sur Radio Grenouille, des bâtons d'Anguirou, Draw Opus, c'est la Grand Brothery. On vend tout ce qu'il y a à vendre à l'Olympique de Marseille. Et il y a un nouveau propriétaire, Frank McCourt. Mon cher Dondé, c'est l'émission américaine de des bâtons d'Anguirou. Oui, c'est ça. Depuis tout à l'heure, nous sommes à l'heure américaine. Et je pense que c'est parti pour de longues années avec notre nouvel ami Frank McCourt. Moi, il me tarde quand même d'aller visiter sa maison de qui nous invite à des cocktails, des petites soirées. Ce sera très appréciable. Et peut-être c'est Magic qui sera invité en premier, puisqu'il continue de vendre sur le marché Opus de Marseille. Il continue de vendre tout ce qu'il y a à vendre. Magic, vous nous et entendez, Magic? Magic, madame, approchez-vous, n'ayez pas peur, je suis marié, vous savez, vous ne risquez rien, madame. Mesdames et messieurs, vous allez croire que je vais vous enfumer avec des gadgets à 6 sous. Absolument pas, je ne suis pas quelqu'un de violent, pas du tout. Au contraire, mesdames et messieurs, ce que je vous propose maintenant, c'est la paix dans votre ménage. Absolument, la paix dans votre ménage. Vous allez croire que je vous fais le coup du marabout africain. Absolument pas, je ne suis pas quelqu'un de violent, pas du tout. Alors, comme ça, me direz-vous, comme ça, la paix dans notre ménage? Eh bien, mesdames et messieurs, tout simplement à l'aide d'une méthode révolutionnaire, une méthode de conception 100% allemande, une méthode d'une qualité irréprochable qui consiste à gagner de l'argent pour être plus heureuse en ménage. Regardez bien ceci, mesdames et messieurs. Attention, je vais soulever le drap. Et voilà! Alors, vous allez me demander, mais qu'est-ce que c'est que ces papiers? Eh bien, mesdames et messieurs, ce ne sont pas de vulgaires papiers, tels que vous pourriez l'imaginer. C'est la méthode qui vous fera vivre en paix avec votre mari, madame, avec votre épouse, monsieur. Et cette méthode, elle est expliquée dans ce dossier-là, que vous voyez là, d'à peine une vingtaine de pages. Rendez-vous compte, mesdames et messieurs, en seulement 20 pages, et enfin, le bonheur que vous aviez tant de mal à concrétiser dans votre couple, eh bien, le voici décrit, explicité, raconté, narré, développé dans ce document qui porte le doux nom de Projet Dortmund. Ah, je vois que certains connaissent. Mais non, ne partez pas tout de suite, mesdames et messieurs. Car si vous avez une mauvaise image du Projet Dortmund, ce n'est pas parce que celui-ci ne fonctionne pas. Absolument pas, au contraire. Il marche à merveille. Regardez les Allemands. C'est plutôt parce qu'il a été mal employé. C'est parce que vous connaissez la mauvaise façon d'être employé. Parlons vrai, madame. Vous connaissez le Projet Dortmund parce qu'on vous a dit que l'OM avait suivi ce projet, mais comme l'OM est au fond du trou, vous ne croyez plus du tout au Projet Dortmund. Eh bien, je vais vous dire la vérité, madame. Je vais vous dire la vérité à tous, mesdames et messieurs. Ce Projet Dortmund est effectivement celui que Vincent Labrune, alors président de l'OM, avait acheté en 2013. Nous l'avons retrouvé dans ses cartons de déménagement. Mais attention, mesdames et messieurs, écoutez bien ceci. J'ai lu en profondeur le Projet Dortmund et c'est un projet véritablement révolutionnaire. Oui, madame, c'est vrai. C'est un projet qui au départ, a pour but de ramener un club de football professionnel déchu vers la lumière. C'est vrai qu'il concerne une stratégie de rachat et de revente de joueurs, mais j'ai lu le projet dans tous ses détails. Et pour moi, qui suis un fin psychologue du couple, je vous garantis que la meilleure utilisation du projet Dortmund n'est pas dans le football professionnel. Absolument pas, pas du tout. La meilleure utilisation du projet Dortmund est celle que l'on peut en faire dans une vie à deux. Une vie de couple où la monotonie du train-train finit par menacer d'orage la quiétude de l'amour. Madame, parlons vrai. Est-ce que vous aimez votre mari? Vous aimez votre mari? Donc, ok. Et mais la vérité, madame, c'est est-ce que vous êtes heureuse avec lui? Vous êtes heureuse avec lui? Eh bien, je ne le crois pas du tout, madame. Et je vais vous poser une dernière question, madame. Soyez sincère, madame. Quand est-ce que la dernière fois, ça a été là où vous êtes disputé avec votre mari? Il y a 3 jours. Mais c'est terrible, terrible. Vous pouvez pas passer une semaine sans étincelle dans votre couple et vous dites que vous êtes heureuse. Ah, la voilà la terrible vérité. Eh bien, madame, le projet Dortmund est fait pour vous, exactement pour vous, parce que je suis persuadé que comme dans quasiment toutes les disputes de couple, l'origine de la dispute est une broutille. Et c'est pour cela, parce que c'est ça, le secret de la méthode. Vous n'êtes pas riche et chaque mois, vous et votre mari, vous gagnez le même revenu, la même somme d'argent tous les mois. Eh bien, avec le projet Dortmund, vous allez gagner davantage d'argent. Quelle est cette méthode révolutionnaire? Alors, pour bien comprendre, revenons un tout petit peu au football. À l'origine, le principe de la méthode est d'acheter même un prix élevé des jeunes joueurs à fort potentiel, de les faire jouer ensemble très tôt dans leur carrière pour espérer créer un collectif inestimable ou simplement donner l'impression d'un collectif inestimable que l'on va revendre en le démantelant par pièces et le revendre à un prix exorbitant. C'est ce que le club de Dortmund avait appliqué dans les années 2000. Il était dans une mauvaise passe et avec ce projet, le club mise alors sur des jeunes comme par exemple un certain Mario Götze qui sera revendu 40 millions d'euros et ainsi... Le club retrouvera son lustre d'antan. Il est double finaliste, par exemple, de la plus grande compétition européenne, de la fameuse Ligue des Champions. Mais mesdames et messieurs, si vous faisiez pareil chez vous, investissez un tout petit peu au début et régulièrement pour gagner gros après, réutilisez vos objets qui n'ont pas de valeur ou très peu, agencez-les chez vous, dans votre appartement, de sorte à les rendre harmonieux les uns à côté des autres, les rendre vivants les uns avec les autres. Faites de votre domicile une véritable vitrine d'objets insolites dont tous vos amis vous diront que... Combien c'est beau. Arrêtez d'arroser vos plantes, par exemple, avec un arrosoir classique. Prenez une bouteille de vin que vous avez vidée, faites de tout petits trous dans le bouchon et écrivez sur la bouteille le nom d'un designer célèbre et attendez de recevoir des amis chez vous pour arroser, l'air de rien, vos belles plantes. Prenez vos longues bougies blanches, madame, tout à fait insipides, vos longues bougies blanches. Associez-y 2 boules de Noël et dites à vos amis que c'est tendance, que vous l'avez acheté dans un magasin cher. Arrêtez de jeter le carton de vos papiers toilettes, par exemple. Gardez les cartons et peignez-les dans une couleur fashion et faites une soirée sushi. Remplissez le carton de riz et à l'aide d'un gros stylo faites un trou au milieu du riz et remplissez ce trou de poisson. Et les sushis sont prêts. Impressionnez vos amis avec cette méthode. Et puis, un beau jour, faites croire à tous vos amis que vous allez déménager et que vous devez tout revendre faute de place. Et revendez tout à un prix d'or. Revendez votre bazooka à sushi. N'en demandez pas moins de 10 euros. Votre bouteille de vin en forme d'arrosoir, 20 euros. Vos bougies en forme de godemiché au moins 100 euros et enrichissez-vous et partagez avec votre mari, madame, avec votre épouse, monsieur. Partagez ensemble cette petite joie de l'arnaque et profitez de l'argent que vous en aurez dégagé. Voici quelques exemples, mesdames et messieurs, que vous inspireront la lecture régulière de ce document d'à peine 20 pages, de ce projet révolutionnaire, de ce projet Dortmund. Mesdames et messieurs, il faudra... vous battre aujourd'hui car de projet Dortmund, je n'en ai qu'un seul exemplaire, l'unique, le vrai, celui qui, grâce à la mauvaise utilisation de son propriétaire, se retrouve aujourd'hui sous vos yeux. Et ce formidable projet, je vous le fais à un prix d'occasion et je vous en livre les droits d'auteur pour la modique somme de 300 euros. Vous repartez chez vous avec le projet Dortmund et à vous le bonheur dans votre maison. 300 euros, mesdames et messieurs, dites-moi que c'est cher et pour le bonheur et en couple et je vous ai tranquille. Sur place. Alors qui? 300 euros, ça sera mon dernier prix. Hey, magic, oui, magic, magic, sacré magic, il vend le projet Dortmund, un projet qui, il est vrai, est tout neuf, il n'a pas servi ici à Marseille et il est en très très bon état. Magic est un vendeur extraordinaire, on verra à la fin s'il a réussi. C'est peut-être maintenant à vous de prendre la parole. Je crois que la chronique du docteur vous a un peu inspiré, surtout la famille Dreyfus vous a inspiré et le revendeur. le repreneur pardon, de Marseille, de l'Olympique de Marseille, Franck Macourt. Tout à fait. Vous avez écrit un poème, je crois. Oui, je me suis targué d'un poème bilingue, puisque j'envisage de pénétrer le marché américain, puisque les Américains pénètrent le marché marseillais. C'est notre tour d'aller faire un tour à Los Angeles. Donc voilà, je suis assisté d'un interprète qui évidemment traduira ces quelques mots qui j'espère satisferont notre cher on vous écoute, auditoire. On vous écoute. À jamais les premiers. Forever first. Les premiers ont les deniers. The first have the money. À jamais les deniers. Forever money. Pour devenir les premiers. To become first. Tel est le résumé This de l'OM Champions, Champions Project communiqué Project. Par l'ami McCourt. This is the deal. Le sort en est jeté, le sport en est jeté par la fenêtre. Nous pleurons ce soir sur ce plateau. Nous nous tenons la main. Nous avons l'amertume dans la bouche. Nous, les gommistes de la chronique. We see les sous coming. Nous voyons les souvenirs. Macourt va signer le chèque. Les sous nous font rêver. Il y a un bout de gras dans la soupe populaire. Il va mettre les sous en pousse un soupir de soulagement. Fin de l'époque romantique, End bienvenue dans le football period, business club. Welcome in the football business La club. Bouillabaisse locale local n'a pas su résister. Was not able to resist. Ce matin, c'est signé. This morning is la coulure de l'encre sèche the encore. Of ink still dries. Les petits pêcheurs à la ligne que nous sommes the continuent de prendre les rougets pour les dorades. L'Eldorado a pour the prénom Eldorado Frank. Is named Frank. Frank l'Eldorado. Frank de Seabrim. Salut Frank. Hi Frank. Frank, 63 ans, mania de l'immobilier. Real estate tycoon. Un homme pressé pour une ville qui accélère et qui compte ses sous. Mais les blagues les plus courtes sont les meilleures. La Russie vend l'OM à l'Amérique sans que cela ne nous étonne. And we are not surprised. L'énigme Margarita a lâché la proie pour l'ombre. The prey for the shade. Trop de piment Too sur la pizza. Pizza. Le bal est triste. The bal is sad. La famille Dreyfus s'en va par la petite porte. By the small door. Et personne ne And le regrettera. No, one regrets them. No fresh sporting failure. Effondrement d'un mythe. On reste sur la moustache de Chico Lungi. La trattoria de Chico. Chico's trattoria. L'OM va droit au but. Right to the goal. Les puces sont tout droit. The market is straight from here. L'OM va droit au but. Goes right to the free market. Les caisses du club the sont vides. Du club are empty. Les poches de Macourt sont pleines. Pockets are full. Il faut mettre les sous. You must put the sous. Godin aime les Godin likes the sous. Macourt a les sous. Macourt has les sous. Godin aime Macourt. Godin loves Macourt. C'est simple. It's simple. Les Qataris, Qataris ont des sous. Have the sous. Macourt a des sous. Has the sous. Macourt est notre Qatari. Is our Qatari. Les sous sont les le nerf sous de la guerre. Crucial. La guerre the nous tape sur les nerfs. Les sous les nous sous tapent sur les nerfs. On our nerves. Le joueur se lève à l'est. Alors que l'OM est à l'ouest. L'OM ne verra jamais le jour. Les sous font le bonheur. Le bonheur est dans le prêt. Le prêt se contracte à la banque. La banque fait le bonheur des Marseillais. Marseille are full of hope. Les Marseillais sont pleins d'espoir. L'espoir fait vivre. Les Marseillais sont vivants. Mais vivant What de quoi king of Les abonnés chantent dans le the stade. Subscribers sing in the stadium. Le stade est the désert. Stadium is a desert. The subscribers le désert est un champ de ruines. Les ruines entrent dans le champ du patrimoine. Des armes aux Hosanna. Of our patrimony. Tout est à nous. From of Osam de Hosanna. Tout est à nous. We own everything. Nous n'avons rien. We have nothing. À part Chico qui Except joue de la guitare. Chico playing guitar. Les carottes sont cuites. Carrots are dead. Thank you. Thank you, Donde. Des bâtons d'Anguirus. C'était le poème de Donde, chères auditrices, chers auditeurs. Et maintenant, il faut continuer cette émission. Il faut la finir, cette émission. Mais on la finit pas n'importe comment. On fait le coucou. C'est le coucou aux auditeurs de Dijon. In Bourgogne, les auditeurs de Dijon qui sur Radio Campus Dijon nous écoutent et nous les saluons. Et c'est le coach Luc, qui a fait cette petite chronique, cet instant moutarde, comme on l'appelle. Ici, il a décidé de dédicacer cet instant moutarde à l'équipe de foot de l'IUT Informatique de Dijon et à l'équipe de fou, the crazy team of ACPE des années 91-94. On écoute le coach Luc, c'est l'instant moutarde. Bonjour Dijon, je ne vais pas vous parler de votre isothiocyanate d'allyl, aromatique et volatile, qui arrache les papilles et le nerf trijumeau du nez. Non, je vais vous parler d'un truc qui fait quand même piquer la langue, qui vous la démange, qui vous la brûle jusqu'au scalp du cerveau, qui vous fait pleurer comme une urne. Cette croquine qui monte au nez pour chercher des poux aux puces est une conversation entre Plus belle la vie et Il n'y a que maille qui maille. Cela donne sur le vieux port Plus belle la maille, si on en croit le parler cash de Jean-Claude Godin pour raqueter McCourt. Alors, pas sûr que le nouveau Francky du Vélodrome se laisse prendre dans les mailles du filet pagnolesque, à prêter sa caisse azur et bleu pour partir en virement sauvage. Bien que selon son passif passé, il partage certaines valeurs de clientélisme et de gestion clanique chères à la municipalité phocéenne. Mais de là à passer du baseball au ballon qui te baise, j'imagine que le bandit du baseball a mis de côté des bats des Dodgers et il va en avoir besoin. Mais on peut gager qu'une mairie qui refait à neuf le stade avant les écoles, cela fera vibrer la corde capitaliste d'un affairiste américain qui vient peut-être plus gagner au loto qu'au sport. Alors donc, tout ce pastis, je traduis un pastis en parler marseillais, ça veut dire une affaire compliquée. Alors donc, pas sûr que ce pastis vous le compreniez, vu de la JDA, ou vu de Gaston Gérard, là-haut chez vous, ou le DFCO qui vient à peine d'être majeur, car oui, chez vous, le foot n'est pas une calage d'amour comme à l'Orange Vélodrome, mais un hobby un peu chouette, si on en croit à votre blason. Ami Dijonais, votre colonel de Cluedo n'est pas notre ballon de jaune. Votre maille n'est pas la maille de Marseille. Car si votre maille monte vite au nez, notre maille monte vite à la tête. C'était le coach Luc, c'était l'instant moutarde des bâtons d'Anguille. DBDG here sur Radio Grenouille 88.8 in Marseille. Donde, on va finir cette émission. Bien sûr, on va retrouver l'ami Magic qui est au puce, qui va vendre encore beaucoup de choses, je crois, pendant toute la soirée. Ça marche bien les affaires pour Magic, je crois. On va dire bonjour à nos amis de Dijon, je crois, dans l'année. On a un grand projet, peut-être, de faire une émission en direct des studios de Radio Campus, non? Ah oui, certainement, bien sûr, le projet Dijon, tout simplement, je crois qu'on peut. Effectivement, il s'agira d'une grande traversée de la Bourgogne et on se fera un plaisir de les rencontrer, boire du coup, serrer des paluches avec nos amis dijonnais. Et bien manger, je crois qu'on mange vraiment bien en Bourgogne, à Dijon en particulier. Magic, vous nous entendez peut-être, Magic, vous êtes en train de vendre encore beaucoup de choses sur le stand. Madame, n'ayez pas peur, je suis marié, vous savez, vous n'y risquez rien, madame. Ne me regardez pas comme un sage affamé, messieurs, dames. J'ai l'œil absolument humain et, mesdames et messieurs, je suis fier de vous présenter l'un des objets des plus beaux objets, madame. Oui, monsieur, approchez, regardez. Oui, ça va être derrière le drap, sous le drap. Oui, je vais vous le présenter tout à l'heure. L'un des plus beaux objets de toute l'histoire des objets, en tout cas, le plus bel objet qui m'ait été donné de vendre dans toute ma carrière de vendeur. Et c'est peut-être pour vous, madame, peut-être pour vous, monsieur, qui aura l'occasion de se le procurer, puisqu'en effet, là encore, je n'en possède qu'un seul exemplaire. Cet objet, c'est le fruit de l'exigence absolue, de la recherche, de la perfection d'un homme que l'on apprécie ici particulièrement en terre marseillaise, un objet qui a révolutionné les pratiques locales, un bijou technologique doté d'une haute valeur symbolique, puisqu'il ne s'agit pas moins que de la Bielsa mobile. Eh oui, mesdames et messieurs, la Bielsa mobile, vous ne me croyez pas? Oh que oui, vous allez me croire quand je soulèverai le drap et que vos yeux s'écarquilleront net. Mais attention, il s'agit de la véritable, la seule Bielsa mobile. Non, pas le vulgaire Renault Trafic que vous pouvez voir parfois sur le Prado. Non, mesdames et messieurs. Celui qui est décoré d'un noir tout à fait moche et d'inscriptions ineptes en espagnol avec un portrait hideux du fameux entraîneur. Non, pas du tout. La véritable Bielsa mobile. La voici. Voilà, eh oui, messieurs, dames, voici la merveille de technologie, cette fabuleuse voiturette de golf, imaginée par l'entraîneur Marcelo Bielsa lui-même et conçue par la société Rodania, l'horloger du club de l'OM. Elle est équipée d'une caméra HD qui filme les gestes les plus rapides, des images qui sont ensuite transmises dans le fameux cube Rodania, une merveille d'ordinateur qui les rediffuse immédiatement sur l'écran. On peut ensuite revisionner ces images directement sur l'écran haute technologie, puisque la captation peut se faire en direct. Le véhicule est également équipé d'un écran tactile, résiste à la pluie et possède une autonomie de 140 minutes. Il y a aussi un système de ralenti en temps réel et un tableau blanc pour les schémas tactiques, mais qui peut servir aussi tout à fait à autre chose. Alors, mesdames et messieurs, elle est pas belle la vie? Imaginez, madame, imaginez-vous dans votre jardin, vous promenant dans cette magnifique Bielsa mobile. Imaginez-vous faisant des cabrioles avec votre homme. Imaginez-vous revoir vos ébats au ralenti. Imaginez tout ce que vous pourriez améliorer dans vos rapports avec votre homme, madame. Et elle est pas belle la vie. Eh bien, mesdames et messieurs, le nouveau repreneur de l'OM a souhaité visiblement impliquer des méthodes d'entraînement différentes, des méthodes, dit-on, plutôt à l'ancienne. Et donc, il n'a plus eu besoin des éléments trop modernes. Il souhaite donc revendre toute une série d'équipements qui ne serviront plus à son club. Et parmi tout cela, eh bien, il y a cette extraordinaire, cette magnifique voiturette de luxe. Et j'ai l'honneur de pouvoir, mesdames et messieurs, l'honneur de mettre à la vente cette Bielsa mobile ici aujourd'hui devant vous, pour vous, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, le prix de cette Bielsa mobile est lui aussi fabuleux, puisqu'elle ne coûte que la misérable somme de 300 000 euros. 300 000 euros à peine, mesdames et messieurs, c'est donné, et pour cette rareté de technologie conçue par Marcelo Bielsa lui-même. Et on fait des facilités de paiement, bien sûr, madame. Alors, pour qui cette Bielsa mobile? N'hésitez pas à vous manifester. Oui, madame, je sens un regard curieux. Oui, par ici, oui. Alors, oui, venez. Hey, Magic, on vous quitte, Magic. La mission touche à sa fin. Magic était en direct des Crottes, le marché Opus de Marseille. Quel bilan on peut tirer des affaires de Magic? On ne sait pas encore les sous qu'il va ramener, mais quel beau stand il avait l'air d'avoir. Quel beau stand, et surtout l'art de la commercialisation d'objets inédits. C'est tout simplement fabuleux le travail que fait Magic. On espère qu'il va nous ramener plein de pépettes. Et nous aussi, tel Godin, nous aimons les sous et nous en avons sérieusement besoin. On a envie de dire vas-y Frankie, j'ai l'impression. Vas-y Frankie, mets les sous, envoie les pépettes. C'est l'heure de se quitter, chers auditrices, chers auditeurs. On remercie l'ensemble des dispositifs qui n'étaient pas là au studio aujourd'hui. On remercie le coach, bien sûr. On remercie Brett Sinclair. On remercie le docteur Lehmann. Et puis, bien sûr, on remercie notre invité prestigieux, the famous Vincent Duluc, qui nous a apporté toute son expertise, son analyse dans l'affaire Macourt. On se salue, on se dit au mois prochain et hasta la vista. Hasta la vista. So I say D, I say D-O, D-O-D, D-O-D-G, D-O-D-G-E-R-S, team, team, team, team, oh. I say O-M, O-M-A, O-M-A-L, O-M-A-L-L-E-Y, oh really, no O'Malley. Sandy Koufax, oh my Drysdale Morey, Wills, I love you so, and we defy, defy the J-I, J-I-N, J-I-N-T, J-I-N-T-S, Giants! Play ball! Orlando Cepeda is at bat with the bases jammed. Orlando Cepeda with a wham, bam, he hit a grand slam in the very first inning, but it's only the beginning. In the third, like a fight, we get two on the way, then fairly hits into a double play. Here comes Big Frank Howard, yes siree, boy what a swing, strike three. O-dem B, O-dem B-U, B-U-M, B-U-M-S, them bums, dry bums, oh they may be bums, but they're my bums. Top of the fifth, Say hey, Willie Mays hits a three-bagger down the right field line. But he's out trying to stretch it to a homer as Roseborough tags him on the bottom of the spine. With a crack you can hear all the way back up to San Francisco. Open your hospital! Inning six, Maury Wills draws a walk. In the coach's box, Leo DeRocher, Leo DeRocher, starts to wiggle and to twitch. A signal? No, an itch. Go, Maury, go.